La femme du libraire par Charles Moncelet. On vendait l'autre jour, après décès, dans une des salles de l'hôtel Drouot, la bibliothèque de M. le comte de la Hache, par le ministère de Maître Maurice de Lestre, commissaire-priseur assisté de M. Delarocque jeune, libraire expert, etc., etc. C'était une bibliothèque assez ordinaire d'ailleurs, composée d'éléments disparates, mais cette bibliothèque a une histoire qui ne manque pas d'intérêt, et que je demande la permission de raconter pour les battements des bibliophiles et autres. Il fut un temps où le jeune et brillant comte Reginald de la Hache n'avait jamais ouvert d'autres livres que ses romans à 3,50 francs, dont on coupe les feuillets avec le doigt, avant de s'endormir. C'était un homme du monde, dans la plus frivole acception du mot. Comment devint-il un bibliophile? Il trouva son chemin de Damas chez un libraire très connu, qui demeurait dans un des passages de Paris, je ne dirai pas lequel. On va croire sans doute que les regards du comte de la Hache furent attirés tout à coup par un Elzévir ou un Alde de la Devanture. Non, le coup de foudre lui vint de plus loin, de l'intérieur du magasin, où siégeait au comptoir une jeune femme d'une beauté remarquable. Reginald passa et repassa plusieurs fois, ébloui par cette céleste figure. À la fin, il n'y tint plus et entra dans le magasin où elle était seule. Il n'y avait pas grand mérite à cela, une librairie étant ouverte à tout le monde. Aussi la marchande ne se dérangea-t-elle pas à l'aspect du jeune homme. Elle se contenta de lever la tête et de lui demander d'une voix très douce « Monsieur, vous désirez quelque chose ?»« Oui, madame, certainement, » dit-il, charmé par la voix comme par le visage. « Quel ouvrage ?» Il la dévorait des yeux, oubliant de lui répondre. Elle fut obligée de répéter sa question. « Ah oui, l'ouvrage, » fit-il comme s'il sortait d'un rêve. « Quel ouvrage je veux ?»« Oui, monsieur. » Reginald n'osa pas lui répondre « Cela m'est bien égal. » Il chercha dans sa mémoire un titre quelconque. « Mademoiselle de Maupin, par Théophile Gautier, » dit-il étourdiment sans y mettre aucune intention malséante. « C'est un ouvrage moderne, je crois, » répondit la jolie marchande du ton le plus calme du monde. Nous ne tenons pas de livres modernes. » Un homme surgit tout à coup d'un entassement de volumes derrière lequel il se tenait dissimulé. « mais si » s'écria-t-il. « Tu te trompes, Adèle. Nous avons Mademoiselle de Maupin, section des romantiques. Nous en avons même un exemplaire exceptionnel, mais il est cher. »« N'importe, » dit le comte de la Hache, à qui la soudaine apparition de cet homme avait fait faire une grimace. « Le voici, c'est l'édition originale. » Rarissime. L'exemplaire est relié par Tibaron, en maroquin rouge, doublé de maroquin citron. « Bien, bien, » murmurait Reginald, sans cesser de regarder la marchande. « Mais il est cher, » répéta le libraire. « Combien ? 1500 francs. » Reginald eut un mouvement, mais il ne fit pas répéter. Il ne voulait pas avoir l'air d'un ladre vis-à-vis de celle qu'il venait d'entendre nommer Adèle. Il tira son porte-monnaie et prit délicatement 2 billets de banque de 1 000 francs qu'il posa sur son comptoir. « Je vais vous rendre, monsieur, » lui dit-elle de sa voix plus musicale encore. « Veuillez envoyer le volume chez moi, » ajouta-t-il en lui remettant sa carte. Étonné et ravi, le libraire s'empressa auprès de Reginald. « Vous êtes un bibliophile, monsieur, un connaisseur. » Et comme Reginald faisait un geste de dénégation, « Oh, cela se voit !» reprit-il. « Adèle, tu adresseras désormais mes catalogues à monsieur. »« Oui, mon ami. »« Son ami, enfer !» Cependant, le libraire ne le lâchait pas et l'accablait de ses offres de service. « Il faut venir chez nous, monsieur. Vous voyez comme cela est central. Nous voyons beaucoup de ces messieurs de la Société des Amis des Livres et d'autres sociétés. Ils font la causette, entre 5 et 6 heures. Venez, je vais vous montrer mes petits trésors. Ma femme et moi, nous sommes honorés de vous recevoir. » Et il le reconduisit ainsi jusque sur le seuil. C'est égal, pensait le comte de la Hache en regagnant son hôtel de la rue du Colisée. 1500 francs, mademoiselle de Maupin, c'est un peu vif. Mais que voulez-vous? Cet amour l'avait happé au collet comme un gendarme. Il se sentait incapable de résistance. Pas plus tard que le lendemain, il retourna dans le magasin du libraire. Adèle était à sa place accoutumée. Elle le salua de son plus charmant sourire. mais elle n'était pas seule. Il tomba dans un groupe de 4 ou 5 amateurs, parmi lesquels le hasard voulut qu'il rencontrât de ses amis d'enfance, Benoît d'Azur, qui s'écria en l'apercevant « Reginald, est-ce possible ? Seras-tu devenu des nôtres maintenant, toi qui étais un cancre si majestueux au lycée ? Te voilà donc enrôlé dans la petite flambe ? Apprends-nous ce que tu collectionnes. As-tu une spécialité ? Tiens-tu pour les livres à gravure ou pour les manuscrits ? Pour les mystères ou pour la Révolution française ? Es-tu moliériste, bossuétiste, naudiériste, mussettiste ? Je suis analyste, était tenté de répondre Reginald en tournant les yeux du côté de sa belle. Je te félicite d'être entré dans la bonne voie, continua Benoît d'Azur. La bibliophilie est un art honorable, c'est une des dernières formules du sport. On a des livres comme on a des chevaux, et une bibliothèque comme on a une écurie. Les uns et les autres s'estiment par centaines de mille francs. On trafique des livres comme on trafique des bêtes. On envoie l'hôtel de Rouault, le pâtissier français ou les chansons de Laborde, comme on fait courir à Longchamp, Nubienne ou Médora. On cite des fortunes acquises à ce jeu, qui est en outre un vernis d'une aristocratie particulière. Reginald, je t'avais mal jugé. Et se tournant vers les amateurs, messieurs, je vous présente mon ami Reginald de la Hache. On lui fit accueil. Ce jour-là, il en fut quitte pour un Robinson Crusoe de 600 francs, édition d'Amsterdam. Et cela dura ainsi quelque temps. Reginald bientôt reçut membre de la petite société du passage qui s'intitulait elle-même Hospice des Incunables, paya cher son affiliation. Le libraire, qui avait flairé son ignorance et deviné son penchant pour sa femme, profita odieusement de ces deux découvertes pour le mener grand train. Il lui écoula toute une série de rossignols et d'exemplaires avariés. Chaque soupir du jeune homme se traduisait par la vente d'un bouquin à des prix fallacieux. On aurait pu établir son compte de la manière originale suivante. Une œillade de M. le Comte de l'Hache à Adèle, si un La Fontaine, édition des Fermiers Généraux. Une pression de main, si Lettre de Saint-Jérôme avec une reliure en bois de Strasbourg. Un billet remis, si le Vicaire de Wakefield, Marocain violet, dos orné dans un étui. Et ainsi de suite. Empressons-nous de déclarer qu'Adèle n'était pas complice de cet indigne manège. Plus d'une fois même, elle avait essayé de protester contre les agissements de son mari, mais lui imposait silence assez rudement, et elle ne pouvait que murmurer avec un accent de pitié. Pauvre jeune homme. La pitié mène loin, comme on sait. La femme du libraire avait résisté jusqu'alors aux sollicitations amoureuses de Reginald. Elle n'avait accordé aucun rendez-vous, mais il était évident que sa résistance faiblissait, et qu'il ne suffirait plus que d'un incident quelconque pour déterminer le moment psychologique. Cet incident se produisit un soir que le libraire revenait plus tôt que d'ordinaire d'une vente de la salle Sylvestre, rue des Bons-Enfants, la bien nommée. Ce soir-là, le libraire surprit sa femme presque dans les bras de Reginald. Il ne dit rien, selon son habitude, mais le lendemain, d'une voix sévère, « Monsieur le comte, je vous ai fait profiter d'une occasion magnifique. » « Je la connais, celle-là, » murmura le comte à part lui. Et plus haut, il ajouta, « Quelle occasion, mon cher ? Je me suis permis de vous faire envoyer à votre hôtel une collection complète du magasin pittoresque. »« Le magasin pittoresque, » dit Reginald sans déguiser sa mauvaise humeur. « Que voulez-vous que j'en fasse ? J'en ai déjà deux collections, l'une qui me vient de ma grand-mère et l'autre de ma grand-tante. C'est encombrant à la fin. » »« Mais vos magasins pittoresques, monsieur le comte, ne ressemble en rien au mien, » dit le libraire d'un ton sec. « Qu'est-ce que le vôtre a donc d'étonnant ? Deux vers autographes de Lamartine sur la garde du premier volume, tout simplement. » « De Lamartine ? Oui, monsieur le comte, et signé ceci, que j'aime à caresser ma maîtresse en lisant le magasin pittoresque. Alphonse de Lamartine. « Ah, c'est différent, » répondit Reginald abasourdi. Du reste, prenez-en voix à Adèle. À madame ? Oui, c'est elle qui m'a conseillé de vous faire cet envoi. Elle a prétendu que cet autographe conviendrait tout à fait à votre esprit poétique et sentimental. C'est trop fort, murmura la jeune femme prête à éclater. Du moment que c'est madame, balbutia Reginald. J'en étais bien sûr, dit le libraire en leur tournant le dos. Ce dernier trait de l'industriel éhonté acheva de le perdre dans l'esprit de sa femme. Elle venait précisément de relever le compte, est-ce que c'est comme cela qu'on dit, de Réginald de la Hache. Elle avait constaté qu'il avait acheté en 3 mois pour plus de 80 000 francs de livres. Elle jugea que tant d'amour méritait bien une récompense. « Allons !» s'écria-t-elle. Puis elle tomba dans une rêverie profonde, d'où elle ne sortit que pour prononcer ce mot, où se révélait l'âme d'une commerçante consommée. « Laissons-le aller jusqu'à 100 000 francs. Cela fera un compte rond. » J'ai dit que la bibliothèque du comte régional de l'âge avait produit peu de choses. Entre autres propos qui se tenaient le jour de la vente autour du bureau du commissaire-priseur, on prétendait que le comte s'était dégoûté tout à coup de la bibliophilie. On ne savait pourquoi. « Le comte de l'âge, disait M. Le Retalier, dont la mémoire est un peu vacillante. « Attendez donc, n'est-ce pas ce jeune homme qui en fait de livres n'aimait que les exemplaires sur Japon ?»« Sur Jupon, vous voulez dire ?» répliqua Benoît d'Azur. Ainsi s'achève « La femme du libraire » par Charles Moncelet.